Donc je suis avec Sylvain Turian, on est le 13 décembre 2025 et on vient de finir l'avant-dernier scénario de la campagne, L'Ordre est sauvage. C'est un scénario qui s'appelle La clairière du docteur Morella. Et voilà. Eh bien, déjà on peut se remercier d'avoir joué ensemble. Merci Merci. beaucoup. Et donc, eh bien, comment allez-vous? Et si ça va pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ça va bien, non, merci, ça va très bien. Enfin, ça va très bien, Sylvain, il y a une seule Sylvain, chose, mais... ouais, ça va bien. ça va bien également. Et ben du coup, on va tout de suite attaquer les comment dire? Les histoires de guerre, grosso modo, c'était de quelle scène vous avez envie de parler? Ah, il y en a plusieurs, c'est pas facile de choisir. Allez, si je vais en parler d'une, puis peut-être que celle que tu choisiras, il y a plus de chances qu'elle soit commune. Moi, la scène qui m'a le plus marquée, c'est quand la chasse est en cours, qu'ils ont acculé une biche et que je comprends que. C'est là maintenant qu'on peut arrêter un truc. Parce que tu avais la ref, hein, du coup, Ouais. effectivement, on était sur un scénario comme la chanson de la La Blanche Blanche Biche. Biche. Effectivement, la biche, c'était une des filles du docteur Morella. Ah, c'est ça. Et donc, vous avez réussi à empêcher Massacré. qu'elle se fasse massacrer, parce que sinon, elle aurait été servie à manger à sa propre mère. Hein. C'est ça. Et tué par les mains de sa mère, du coup. Ouais. Sachant que, du coup, ce que je ne vous ai pas dit, c'est donc que c'est Musargne qui était au courant, en fait, que c'était une change-forme biche. Et c'est également le même Musargne qui lui avait. Il voyait qu'elle avait, elle ressentait l'appel de la forêt, qu'elle ressentait le besoin d'aller en forêt, et qui lui avait montré en fait un défaut dans la muraille Pour partir. pour partir, quoi. Il savait exactement ce qu'il faisait en fait. Son objectif, voilà, c'était qu'elle se fasse tuer et que sa propre mère la mange, quoi. Elle se Manger. fasse tuer par sa propre mère et que Mais sa propre mère la mange. Ça, c'est parti, c'était l'étape 1 de son plan de vengeance, quoi. ouais. Je rebondirai là-dessus en disant que de toute façon tous les goupilles sont des merdes. Et vous pourrez m'objecter que ah oui, mais not all goupils, mais Petite pensée pour les goupilles c'est ça, non, faut tous. Aucune pitié. Ouais, c'est bien. Voilà, et également, du coup, c'est aussi Musargne ça vous saviez, parce que Pearl vous l'avait dit, mais qui a montré à Pearl que les transgressions que Azazello faisait, parce que dans son idée, c'est comme ça, elle aurait dénoncé au docteur et ça aurait monté un peu tout le monde contre tout le monde, quoi. Enfin, ça créait du chaos, donc ça l'intéressait, quoi. Ouais. Hein, donc vos pancartes, notre all goupil, vous pouvez les remballer. Ouais. Moi, la scène dont j'aimerais me rappeler, ou en tout cas que j'aimerais évoquer, c'est la scène où on a été accueilli. Ça sentait dès le départ le pot de puce géant. Dès le départ. Hein, voilà, je laisserai les détails de la scène. Où on rencontre le docteur Morella, Docteur Morella, avec le majordome avec le majordome, derrière, etc., tout avec déférent qui les vante. l'esclave, enfin l'esclave ou le serviteur, ou ce que vous voulez, la créature dressée. Ça sent dès le départ que ça pue, que ça a mal tourné. On se demande juste à quel moment. Ouais. C'est ça, mais en tout cas, moi j'ai Toi, vous trouvé. avez été bien accueilli, il y avait de la bonne J'ai bouffe, trouvé, de la ah bonne oui, boisson. j'ai trouvé que l'intrigue était lisible. C'est pas Et souvent. c'est pas souvent, et que l'intrigue était effectivement, enfin en tout cas les enjeux étaient faciles à deviner. Néanmoins, on a mis du temps parce que je me suis pas mal levé pour faire des allers-retours, pour marcher, etc. Parce que, et puis j'ai pas mal écrit sur ma feuille, Ouais. sur les états émotionnels et les pensées d'Erin. Non pas, j'ai pris des notes non pas sur le scénario en lui-même ou sur l'aventure en elle-même, mais sur son... son état de pensée. Oui, c'est intéressant. Sur le fait que, est-ce qu'on peut être forcé à changer de nature, oui, non, sur le fait que s'il n'y a plus de gens à confronter, il n'y a plus de problème. Erin a toujours des solutions radicales. Et que, effectivement, c'était toujours une situation, un dilemme cornélien dans lequel il n'y a pas de solution trouvable. Et là, sur la notion de nature, en tout cas, qui pour Erin est double, je trouvais que ça rentrait particulièrement en résonance. Donc, je me suis tu pendant un certain temps, donc notamment dans cette scène de présentation, dans cette scène un peu d'ouverture. Parce que j'avais besoin de savoir ce que pensait Erin en elle-même avant de pouvoir finalement arrêter de penser. Je pense que c'est là où Erin est la meilleure. Bah non, mais à un moment donné, il faut dire ce qu'il y a. C'est pas, ouais, c'est ça. C'est pas son fort, la pensée. Par rapport à la lisibilité de l'intrigue, alors je sais pas si vous aviez la ref, mais en fait, ce scénario, c'est un. C'est un remake de l'île du Docteur Moreau. Tout à fait. Ah, bah, ouais, ah, vous aviez la Turienne, t'avais la réponse. Ouais, je l'avais aussi. Je pense que je l'avais aussi. Ouais. Ouais. Ok, oui. Ouais. Mais très bien, à vivre, ouais. C'était pas pareil. Oui, puis il y a quand même pas mal de trucs qui sont changés, mais l'idée principale était là, oui, tout à fait. Du coup, t'as des ressorts effectivement qui sont que l'éducation qui ne fonctionne qu'avec des interdits. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? C'est ça. Attends, tu voulais laisser picoler, fornifier alors, à loisir, c'est ça ? C'est ça ta vision d'éducation ? Ouais, bravo. Et toi, ta scène préférée ? J'ai bien aimé au début. Vous avez posé beaucoup de questions, vous êtes beaucoup intéressé à Pearl, en priorité, hein, donc qui est la fille adoptive de la docteure Morella, qui est en fait une manimale aussi, hein, c'était une servale au départ, quoi, et en fait qui est devenue une humaine, enfin, quasiment, quoi, hein, et en fait au prix d'un processus de vivisection sans doute très, très douloureux, quoi. D'éducation très violente et tout, et l'idée c'est que Pearl est pas censée vous l'avouer, quoi, surtout vous lui posez des questions très franches en plein repas où tout le monde peut entendre et tout, et donc elle est obligée de largement minimiser le processus, quoi, donc et puis en plus du coup ça permet beaucoup d'illustrer les comportements du docteur Morella, du coup, puisque le docteur Morella vous annonce que Pearl est sa meilleure réussite, quoi. Elle le dit pas au début, parce qu'elle présente au début comme sa fille, puis en fait, elle a tellement envie de se vanter qu'elle finit par dire « Oui, mais c'est en fait, en vrai, c'est une expérience, quoi, et j'en suis super fier, je vous la montre, ça vous soyez impressionnés, quoi. » Et puis, du coup, je sais plus si c'est elle ou vous qui demandez des preuves de son intelligence. Et du coup, comme j'avais ce... Dans mon scénario, j'ai vraiment ce truc-là de... que Musard n'y joue aux échecs. Ok. Et que, en fait, en vrai, c'est une façon aussi de pré-shot que Musard est un stratège. Est un stratège et qu'il utilise en fait tout le monde comme ses pions, quoi. Mais du coup, c'était intéressant qu'on en insiste sur. J'en aimerais que vous nous prouviez l'intelligence de Pearl. Et bien, j'ai eu l'idée qu'on fasse appel à Musarn et aux échecs pour montrer ça, quoi. Parce que moi, ça me permettait d'amener beaucoup, beaucoup de choses. Notamment le fait que Musarn il fait semblant de perdre à la fin. Ça, il le fait uniquement pour. Je pense que vous l'aviez compris. Il le fait uniquement pour flatter l'ego du docteur, quoi. Mmh. Mmh. Et puis aussi peut-être un peu masquer son jeu, parce que il veut pas qu'on devine qu'il est plus malin qu'absolument tout le monde, quoi. Ouais. Ou en tout cas qu'il se croit plus malin que tout le monde. Oui, parce que face à une batte en plein dans le museau, non, il est pas plus malin. Ah là là. Et être malin et être résistant, c'est deux choses différentes. On a renoué avec des solutions violentes. Ça avait manqué à Eric, ouais. Je pense. Parce que, ce qui était intéressant, du coup, je pense à ça, justement, à la fin, avec des solutions violentes, parce que l'idée, c'est que, bon, de toute façon, dans ces scénarios-là, il y a toujours la possibilité de fuir. En plus de ça, en fait, la barrière à la sortie que j'avais mise, puis il y a toujours quand même une sorte de barrière à la sortie, en fait, vu que vous voliez tous, on s'est rendu compte que la barrière était faible, vous pouviez voler par-dessus. Mais du coup, ce truc de fuir, pas fuir, ça a été une tension très présente. Et franchement, j'ai bien cru à un moment qu'on allait finir les scénarios une heure plus tôt que prévu, quoi. Ouais. Du coup, je sais pas ce que vous en avez pensé de ça en particulier, en fait, si ça allait... vous n'êtes pas senti forcé à rester dans le scénario Ah non, c'est Erin qui m'a forcé. C'est pas le scénar. Oui, c'est ça. Oui. Non, mais au-delà de ça, moi, j'ai aimé le fait... Alors, c'est marrant, hein, parce que Erin, je l'ai évoqué dans le scénario, en jouant, bah, c'est quand même fait... elle a quand même perdu des souvenirs plusieurs fois, elle a quand même perdu des aptitudes, elle a quand même perdu une partie de sa personnalité, mais le fait d'être généreuse... Et un peu avec des solutions sportives, je pense que c'est ce qui lui reste en fait. Elle a testé d'autres trucs qu'elle a reperdu, etc. Mais c'est ce qui reste d'elle dans le fond. Après, ce que j'ai aimé dans ce, et je l'ai noté, on a retrouvé une dynamique de duo et de couple dans ce scénar qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Ouais. Et qu'au-delà du fait, c'était pas la question, est-ce que c'est le scénar qui nous empêche de partir ou est-ce que c'est. Le caractère d'Erin, je trouvais intéressant qu'on soit pas d'accord et que ça dure. Ouais, c'est ça, parce que toi, Néné, t'étais plus team, on se barre, c'est pas notre gueule. Ben, on se casse, ouais, ça pue. Et toi, Erin, bah, tu voyais quand même qu'il y avait quelques personnes dans cet endroit-là qu'il fallait, que tu voulais protéger. Et donc, tu pouvais pas abandonner comme ça, quoi. Alors que moi, j'étais restée dans la dynamique, c'était peut-être deux scénarios avant, où on s'y dit, non mais en fait, il faut se casser. On avait déjà eu cette envie-là, un moment de se barrer, c'était, je pense, la dernière fois avec le bunker des scientifiques, où quand on a compris que c'était encore un immense pot de pu, on a essayé de se barrer le plus vite possible. Bien mes scénarios, franchement. Là, on a essayé de se barrer le plus vite possible, parce que c'était un poil trop tard, donc la fuite a été un petit peu difficile. Mais on avait cette dynamique de faut se barrer. Et les Amazonards, pareil, on a très vite compris qu'il fallait pas rester, en fait. Mais là, toi, t'as changé. Je dis qu'on se barre, puis tu me dis non. Après, c'était un petit peu méta, parce que du coup, on la joue en méta, parce que quand j'ai décrit la biche, ton personnage, je ne l'avais pas en visuel, puis toi, en tant que joueuse, t'as dit, la biche, je sais ce que c'est, et tout. Mais du coup, il y a eu ce côté quand même méta de, si, on va quand même sauver ce qui peut l'être, quoi. Et puis bon, après, le personnage a pris le relais, parce que c'est quand même... T'as pu constater en personnage que c'était gentil, elle se retransforme. Bien, donc il va rester un scénario. L'idée c'est de tenter de passer en Suisse, où normalement, de ce qu'on vous a dit en Suisse, c'est pas comme il vaut, quoi. C'est safe, quoi. À ce qui paraît. Et donc vous pourriez enfin prendre votre retraite. J'y crois à mort. Et donc du coup, la partie prospective du débriefing, c'est-à-dire quelles sont vos attentes pour cette dernière partie, que ce soit vis-à-vis du scénario, de ma maîtrise, ou vis-à-vis de votre personnage, ou du personnage de l'autre, enfin voilà quoi. Quels sont vos projets ou vos attentes pour ce final, quoi. Alors là, moi je finis avec beaucoup d'espoir, et je sais pas trop si j'ai envie de finir avec... c'est beau quand même. Là, on finit quand même avec une thématique... Enfin, ça se finit bien. Je veux dire, c'est pas arrivé souvent quand même. Ah, ça se finit bien. Les gens se sont fait cramer. Oui, mais nous pas. T'es blessé. Ouais. Mais on a sauvé des gens. On a agrandi, du coup, notre tribu. Alors... Ça faisait longtemps. Parce que ça va donner après. Comment, à la limite, pour des raisons de sécurité émotionnelle ou simplement de satisfaction, moi je vois pas d'inconvénient à ce que ça se finisse bien. On arrête la campagne là parce que tu penses que c'est un épilogue satisfaisant et tout, quoi. Non, faudrait quand même essayer de finir en Suisse. C'est pas crucial de faire le dernier épilogue. Mais c'est vrai que d'un autre côté, je sais tu pas si. Tu regretteras que... toute ta vie si on le fait pas. C'est ça. Après, je sais pas si en fait. On... Si on le fait, tu regretteras toute ta vie de l'avoir fait. ça serait bien de finir une campagne Millevaux, pas dans le désespoir. Je sais pas. Donc, je sais pas trop ce que j'espère. Mmh. Mais là, en tout cas, pour une fois, je suis pleine d'espoir. Ouais, c'est intéressant. Ouais. J'ai retrouvé, moi, de mon côté, Erin, un peu regonflée dans son moral et dans son... Voilà, pour une fois, il y a eu des gens de sauver. Pourtant, tu repars pas indemne, toi. Oui, non, mais je... quelque part, elle avait raison aujourd'hui. enfin, elle avait raison tout court, d'ailleurs, pas quelque part. Elle avait raison d'avoir agi comme elle a fait. Et je me dis, voilà, elle est gonflée, elle est pleine d'espoir, et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal, et qu'elle est prête à casser la figure à tous ceux qui s'opposeront à elle. Voilà, elle est remontée, pleine d'espoir, et ouais. C'est remontée à bloc, donc j'ai envie de voir jusqu'où elle peut aller, et jusqu'où est-ce qu'elle peut chuter. Ouais, c'est ça, en plus, là, quand vous avez quand même une sorte de nouvelle famille à protéger, vous êtes envie de les mettre à l'abri, quoi. Ouais. Oui. Il faut qu'on aille au bout, histoire qu'on pleure un bon coup. Bah ouais, c'est clair. Il faut aller jusqu'au bout. Ouais, bah de mon côté, mes attentes, c'est de réussir à programmer ça dans pas trop longtemps. Après, je sais pas si ce sera possible. Ça risque d'être compliqué, parce que mon planning à moi est déjà bien chargé. Ok. Mais ce serait vraiment cool de pouvoir finir toute cette aventure avec vous là. On est très très proche du but. J'ai pas d'attente particulière parce que en fait vous faites tellement bien le job que j'ai pas trop peur que ça soit intéressant quoi qu'il se passe quoi. À part la petite peur que vous soyez déçu par la fin parce que ça risque forcément d'être très challengeant. Enfin, la fin sera forcément challengeante. Donc voilà quoi. Vous avez pété un câble, vous avez tué tous les PNJ. Non. Non, pas Juliette. Pas Juliette. Il y a trop de choses avec Juliette. Non, c'est pas possible. Je me suicide vraiment. Après, je le connais pas par cœur ce scénario de fin, mais une happy end est possible. Après, une happy end à 100%, je ne sais pas. Mais... une happy end niveau. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que vous pouvez viser un 90%. Ok. D'autres commentaires? Après, il y a des gamins qui sont pour nous là-dedans. Oh, c'est horrible. Le droit de 2%. Il y en a, ça se trouve, il y en a, c'est des goupilles. On peut se sacrifier. Pour les goupilles? Pour les enfants. Pour des goupilles, là, non, vous pouvez vous gratter. Et c'est vrai qu'on va découvrir. Ça se trouve que dans le monde. C'est il y a... trop bien, ouais. À la fin, je vais mettre des goupilles trop mignons, que des petits orphelins, tu verras t'en occuper, ce sera ton karma. Ok, eh ben merci. Merci beaucoup à vous. Merci Thomas. Merci. Et à la prochaine.